quand il lui dit et quand il répète Buniyal Islam ala khamsin, que l'islam est fondé sur cinq piliers, et que le début c'est la shahada, avant salat, c'est que la shahada a un sens. Mais elle n'a pas un sens simplement en disant je sais ce que c'est que la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, que de Dieu qu'Allah, et que son envoyé, et que Muhammad est son envoyé, et son serviteur.